Michel Nicolaï, La loi du Sud. Le brigadier Séguin, qui se savait bel homme dans l'uniforme d'Espaillie, secoua la porte avec impatience. « Est-ce bientôt fini, là-dedans ?» Aussitôt, une voix de femme répondit affirmativement. Cependant, il eut encore le temps de fumer une cigarette avant que Loulen Naïl apparût, menu et guindé, telle une infante, dans sa vaste robe d'argent. Elle salua sans que le sourire facile des courtisanes vînt à ses lèvres. Son regard s'adoucit quand l'homme qui venait de l'étreindre quitta à son tour la petite chambre. Déjà tout occupé de sa compagne, dont il ceinturait la taille d'un geste sans équivoque, Séguin ne prêta aucune attention à l'arabe qui descendait la pente de Nesla, quartier des Amours, d'un pas souple et allongé. Un chèche blanc entourait son visage fin et bronzé, un burnous jeté négligemment, par habitude, sur ses épaules, élargissait sa silhouette sans l'alourdir, tant elle était harmonieusement proportionnée. Traversant Togour encore éclairé, il s'éloigna vers Djahama et quitta bientôt la route pour le Reg. Sous ses pas, le sable devenait de plus en plus fluide. Au loin, des petites dunes précisèrent leur vallonnement arrondi dans l'ombre. Il devina les tentes de son campement, à cet impondérable qui révèle la vie, à cette impalpable odeur de bois calciné qui frémissait dans l'air d'une indéfinissable pureté. Il s'était attardé longtemps auprès de Chifa, plus longtemps que d'habitude. La jeunesse de Loulen Naïl, son charme étrange, son corps dansant, sa soumission, le garrottaient davantage à chaque rencontre. Il continuait d'avancer, du même pas souple et silencieux, feutré par le sable. Un chuchotement tendre, un gémissement retenu à grand-peine, l'immobilisèrent. Impossible de s'y méprendre, des amants étaient là. Allait-il poursuivre, laissant aux autres ce bonheur qu'il venait de connaître ? Encore amolli par les caresses de Chifa, il y pensa un instant, mais son devoir se révéla. Aucune femme de la tribu n'était libre, et quel époux arabe, reniant l'instinctive pudeur ancestrale, s'en jurait à aimer hors de sa tente. Son visage se durcit en une expression farouche, soulignée par l'éclat des yeux qui s'allumaient de feu menaçant. La loi du Sud lui imposait, à lui, témoin de la faute, de la châtier. À celui qui voit appartient la vengeance. Précautionneusement, pour ne pas déceler sa présence, il s'approcha des deux formes étroitement enlacées. Malgré l'obscurité, il reconnut Kaïra, la femme de son frère. Son complice était un des hommes de la tribu. Il resta là un instant, immobile, silencieux. Puis, sans bruit, il s'éloigna, pénétra sous sa tente, prit son fusil, l'arma. Au moment de sortir, il hésita. La rigide notion du devoir faiblissait en lui, trop de souvenirs l'assaillaient encore. « Pas ce soir, » murmura-t-il. Il leur accordait leur grâce jusqu'à demain. S'ils les retrouvaient ensemble, ils subiraient alors leur destin. Un jour passa, la nuit couvrit le désert. À l'heure où, d'habitude, il rejoignait Chifa, il se mit à l'affût. Mais rien n'arriva. Le lendemain, il déjeuna sous la tente de son frère Kouider. Plus curieusement que d'habitude, il examina Kaïra. C'était une femme lourde et belle, aux hanches mouvantes, au front tatoué de bleu, enveloppée d'un haouli, retenue aux épaules par des épines de palmier, une de ces femmes, en somme, faites pour tous et qu'il suffisait de prendre. Visage nu, elle accomplissait en silence ses gestes habituels de ménagère. Remarquant l'attention que lui portait son beau-frère, elle eut un sourire qui se voulait tentant. La haine que sa découverte avait allumée au cœur de l'arabe s'exacerba. Rien ne lui semblait plus vil que ces femelles qui recherchent l'amour. Pas un instant, il ne fit un rapprochement entre Kaïra et Chifa. Les Loulen Naïl constituent une caste à part. Depuis l'enfance, destinées à plaire, elles y sont préparées. L'apprentissage est long, les danses compliquées. Quand elles retournent à leur montagne, parées de leur collier d'or, leur dot, elles oublient l'art d'émouvoir les mâles. Elles l'apprennent à nouveau quand une fille leur est née, en redescendant avec elle pour continuer la tradition de veiller sur leur progéniture. Tout le jour, il fut pensif, tourmenté d'une vague impatience qui crispait ses mains. Le soir, comme la veille, il se mit à l'affût devant sa tante, son fusil à la main, posté près du foyer éteint. Les étoiles répandaient une clarté dure qui allumait des parcelles de quartz. Un croissant de lune animait des mirages nocturnes. Non pas des visions d'eau et d'oasis fantômes, mais celles d'êtres. Une fantasia d'immenses cavaliers blancs qui, fonçant dans le vide, ne parvenaient jamais, malgré leur élan, jusque dans la réalité. L'homme vint le premier au rendez-vous. Peu après, Keira arriva. Les amants s'étreignirent en silence. Habitués l'un à l'autre depuis longtemps, ils n'avaient rien à se dire, leur amour était seulement une possession, un geste dans la nuit. Ils s'en allaient l'un près de l'autre, sans même s'enlacer, étrangers presque, jusqu'à l'instant où ils s'aimeraient. Deux coups de feu retentirent, suivis d'un cri aigu. Des hommes se précipitèrent hors de leur tente. Réveillés, flairant l'odeur de la mort que leur apportait le vent desséché de sa course sur les étendues calcinées de solitude, les chiens hurlaient lugubrement. Une torche allumée éclaira la scène, dessinant des ombres fantomatiques et découpant, dans un halo rougeâtre, la silhouette du meurtrier appuyé sur son arme. Sur le sable, les deux amants gisaient désenlacés. La femme gémissait doucement, d'une plainte continue, enfantine. Quant à son complice, à ses bras raides et abandonnés, à ses bras qui ne tenaient plus aux rampes de la vie, on voyait que le coup avait été mortel. Un silence plein de gravité se cristallisa. Le justicier, immobile, contemplait, sans les voir, les corps étendus d'où glissait un petit doigt rouge que la soif du désert tarissait. Sortant d'un songe sans bord, il parcourut d'un regard les hommes muets qui l'entouraient. Tous l'approuvaient, il avait appliqué la loi. Sans un mot, le coupable ajusta son fusil, rompit le cercle, s'éloigna rapidement de sa démarche souple qui balançait régulièrement sa large et haute stature. Un bruit de pas derrière lui ne ralentit pas son allure. « Alouane, où vas-tu ? » demanda son frère. Chez le chef d'annexe, racontait toute l'affaire, jeta-t-il sans se retourner. « Il te gardera !» Alouane haussa les épaules et, tout en continuant sa route, laissa tomber. « Qu'importe, je devais agir comme je l'ai fait !» Quider le rejoignit, lui prit la main et, cheminant à ses côtés, remarqua. « Je sais, nous savons tous, nous. Mais eux, comprendront-ils ? Ce sera la captivité pour toi !» Le jugement, la mort. La mort, qu'importait ? Mais la prison, quatre murs, un plafond sur la tête, un cercueil refermé sur soi, et ne plus parcourir les pistes, ne plus sentir sur sa peau le sable musqué du désert, dans l'or clair des matins qui frangent les dunes, s'ébattre les chamelons près de leur mère. « Fuis !» insista Quider. « Mille refuges t'attendent dans ce pays que tu connais mieux que quiconque. » Chez nous, nul n'aura rien vu, nul ne saura rien. J'aurai l'air de me cacher comme un lâche. Qu'importe le jugement des autres ? Alouane s'arrêta, fit face à son frère. Son visage fermé se distendit, une lueur brilla dans le regard, et, en conclusion du combat qui se livrait en lui, le meurtrier céda. Soit. Les deux hommes s'embrassèrent sur l'épaule. Leurs physionomies, si semblables, reprirent la même dureté, la même décision. « Va vite !» recommanda Quider. « Nous ne préviendrons les autorités que demain matin. »« Comment admettront-ils que vous ne sachiez rien ? Mon absence sera remarquée. »« S'est-on aperçu de ta présence ? Nous ne sommes là que depuis quelques jours. Si l'on parle de toi, nous prétendrons que tu es resté à Ourir ou que tu as suivi une caravane vers la Tripolitaine. » « Vous croiront-ils ? Inch'Allah !» Les deux frères s'éloignèrent dans deux directions opposées. Quider retourna vers le camp d'où montait une fumée, l'autre se dirigea vers un infini de dunes dont le mouvement immobile et calme semblait celui de quelque océan nonchalant. « Qu'est-ce, un double meurtre ? Prévenez le toubib !» ordonna brièvement le capitaine Lepage, chef du poste de Tougourt, au chaouche qui venait de l'éveiller. L'officier s'habilla en hâte. Cependant, quand il quitta sa chambre, il offrait la même élégance parfaite qu'il avait rendue célèbre au Sahara. Jamais on ne l'apercevait autrement que dans une tenue impeccable. Ne racontait-on pas qu'une nuit, en pleine invasion de sauterelles, il avait jailli le premier hors de sa tente, l'arrêt tracé avec soin, les boutons de sa veste rouge boutonnée, ses bottes brillantes. À quelques pas, la voiture attendait, chauffeur au volant, moteur trépidant d'impatience, et bientôt, mal réveillé, le médecin courait. « Sale histoire » grogna-t-il en se laissant tomber sur les coussins du véhicule. Bientôt, l'auto stoppa sur le lieu du crime. Le capitaine Lepage s'élança. À quelques pas de lui, deux corps abandonnés sur le sable. L'homme, dans une pose détendue, presque naturelle. La femme, au contraire, demeurait crispée dans une attitude de lutte. Ses paupières à demi-closes s'étaient immobilisées en esquissant un clin d'œil prometteur pour attendrir le destin ou séduire la mort. Le chef de poste, tout de suite, au visage fermé qui se levait vers lui, comprit qu'on ne lui dirait rien. Il devinait un de ces drames de tribu que les Européens préféraient n'avoir pas à juger. Lui, surtout, qui connaissait les Arabes et les aimait. Mais il représentait la loi, et seule, elle avait le droit de punir. À faire sa justice elle-même, cette race s'était mutilée, ensanglantée, affaiblie. Il commença son interrogatoire en questions brèves, nettes, harcelantes. Le médecin, qui s'était penché sur les victimes, poussa une sourde exclamation. « La femme n'est pas morte, elle respire encore. » Tirant une seringue de sa trousse, il l'emplit rapidement, fit une piqûre. Agenouillé devant Keira, la tête sur sa poitrine, il écoutait son souffle qui renaissait, pénible et intermittent. « Espérez-vous la sauver ?» demanda le capitaine. « Je ne sais pas encore. Si on pouvait la transporter jusqu'à l'hôpital, peut-être. Mais avec ces pistes, elle mourrait en chemin. Je vais tenter d'extraire la balle ici. » Il appela le chauffeur, griffonna quelques mots sur une feuille de son calepin, la lui tendit en ordonnant, bref, « Vite, ramène l'infirmier avec l'attirail. » Le capitaine s'était assis sur le tapis que l'on avait déroulé pour lui. Les hommes se tenaient à l'écart, formant un cercle. Pas une femme. Un chien blanc aboya tout à coup. Dans le ciel, d'un bleu irréel, un avion passa, dont les ailes semblaient de cristal. Le médecin surveillait attentivement le pouls presque imperceptible de la malade. « Le drame a eu lieu depuis plus de 6 heures, et on l'a laissé ainsi sans soin, » grommela-t-il. Keira ouvrit les yeux, bégayant quelques mots qui restèrent accrochés dans sa gorge. Le capitaine Lepage se pencha à son tour vers elle et lui parla doucement, dans la langue qu'elle comprenait, la réconfortant des mots apaisants que les siens lui refusaient. « Qui a fait cela ? » interrogea-t-il enfin. Elle hésitait à répondre. Il insista, tentant de la convaincre. Au loin, le grondement de la voiture s'enfla dans un crescendo régulier qui s'acheva net dans un bruit mou, étrange, feutré, annonçant qu'elle s'était ensablée. « Courez, vous autres, ramenez la trousse de chirurgie !» ordonna le chef de poste. Nul ne bougea. « Pas la peine !» grommela le toubib. « Trop tard, hémorragie interne, je ne peux plus rien pour elle !» Le visage de Keira se crispait, puis s'estompait, s'adoucissait. « Qui est-ce ? » répéta le capitaine plus pressant. La victime fit un effort, ses yeux s'ouvrirent grands, cherchant à dégager les réalités du halo qui les enveloppait. La respiration s'arrêta, sifflante, les muscles des tempes se tendirent, la tête se rejeta en arrière pour libérer le mot qui s'échappa distinctement des lèvres blêmes. « Alouane Ben Ramadi, Alouane Ben Ramadi répéta après elle l'enquêteur pour plus de certitude. Elle tenta d'abaisser ses paupières pour confirmer, mais à mi-chemin, elles s'immobilisèrent et la physionomie prit une expression lointaine, apaisée, délivrée. D'un signe, l'officier appela le mari de la morte. Celui-ci s'approcha. « Qui est Alouane Ben Ramadi? Ton père? Ton oncle ?»« Mon frère, il nous a quittés depuis quelques jours. »« Ta femme l'a accusé. »« Lui? Non. Elle a peut-être prononcé son nom. Elle l'aimait beaucoup. Un message, un adieu qu'elle voulait lui faire transmettre. »« Espères-tu me persuader si aisément ?» L'homme se décida brusquement. Sans qu'un muscle de son visage bougeât, il affirma « J'aime mieux tout vous avouer, c'est moi le coupable. »« Je ne te crois pas. Des témoins appureront mes dires. » L'officier le scruta longuement sans qu'il manifestât le moindre sentiment sur sa physionomie impassible. « Parfait, reprit l'officier, donne-moi l'arme dont tu t'es servi. » Quider disparut sous sa tente. Il en revint avec un fusil. « Tu sais bien que ce n'est pas celui-là, » dit le capitaine Lepage après l'avoir examiné. Sans plus expliquer, il abandonna Quider pour revenir vers le major qui, sa tâche terminée, retournait vers l'auto. « Nous pouvons partir maintenant. » Des patrouilles battirent la ville. Les caïds des nomades furent sommés de retrouver la cachette du meurtrier. La surveillance redoubla dans les rues couvertes et surtout à Nesla, selon les instructions du capitaine Lepage. La police indigène bousculait les Oulen Naïl sur le pas des portes, envahissant à l'improviste les hammams et les cafés maures. Le marché du vendredi emplissait le village d'une foule dense d'indigènes qui se répandait dans les maisons de danse. Dans la longue salle basse et sordide, ils attendaient la venue des courtisanes devant leurs tasses de thé à la menthe. Elles apparurent, tandis qu'un orchestre de caïta et de djerbouka déchaînait une musique stridente et âpre. La première danseuse était vieille et fanée dans sa robe d'un rouge éclatant. Mais dès que ses hanches s'agitèrent, elle se révéla séduisante. Deux Oulen Naïl lui succédèrent, enveloppés de robes vertes et de voiles blancs, leur taille mince ornée d'une ceinture d'or. Elles firent le tour de la salle, à pas menus, se tenant par le petit doigt, une étrange gravité peinte sur leurs traits. Soudain, leurs mains levées s'agitèrent, tel un vol de colombes. Puis ce fut la danse du cou, celle des seins. Le rythme s'affolait, secouant houleusement leur chair dure. Et une lueur de convoitise et d'orage s'alluma dans tous les regards virils. Chiffa, cheveux nattés, recevait sur le front les billets qui collaient les assistants après les avoir humectés de leur salive. Un musicien, descendu de l'estrade, les enlevait un à un avec dextérité. Ils restaient seuls face à face. Le joueur de caïta était un petit homme laid qui improvisait un air barbare, se baissait, se relevait, rampait, toujours sans cesser de jouer. Et la fille dansait, esclave, captive des sons enchantés, suivant si parfaitement le rythme que la musique semblait lui coller au corps et se matérialiser, vivante, trépidante, sensuelle. Le musicien avançait toujours, bloquant la danseuse contre la foule amassée. Elle heurta un groupe qui ne s'écarta point. Avant de rebondir, elle se pencha vers un spectateur, lui murmurant, sans s'arrêter un seul instant, « Rejoins-moi !» Immobile, muet, il répondit d'un abaissement des paupières, lourdes sous le feu de son regard. Un couple de noirs succéda à la danseuse. L'homme, vêtu d'un pull-over bon marché, elle, presque nue, sous une gandoura s'ouvrant à chacun de ses mouvements. Alouane ne les vit même pas. Il se leva, rejoignant Chiffa qui, son numéro terminé, l'attendait dans le fond de la salle. La foule était si dense, si attentive au spectacle, que nul ne les remarqua. Chiffa prit son amant par la main et l'entraîna rapidement dans l'arrière-salle qui servait de débarras. « On sait que c'est toi qui as tué. On te recherche, » chuchota-t-elle. Elle était au courant du meurtre, ayant vu Alouane cette nuit même. Les bavardages des femmes lui avaient appris le reste. « Mais cela, dit-elle avec une impérative douceur qui commandait l'acceptation. Elle lui tendit un haïk dont elle l'aida à s'envelopper. Bientôt, on ne vit plus de lui qu'un œil noir. Mais si, dans ce fantôme voilé, on soupçonnait un homme, et pourquoi le ferait-on? Nul, même un blanc, n'oserait soulever l'étoffe pour découvrir le visage. Leurs mains s'étreignirent, elle passionnée, lui reconnaissant. « Reviens plus tard » quémanda-t-elle. Elle repartit se soumettre au rythme des caïtas, tandis qu'Alouane, du pas rapide des honnêtes femmes, se glissait dans les ruelles bruyantes, se gorgeait de monde. Parvenu en ville, il s'enfonça dans les rues couvertes, humides et sombres. Parfois, un corps le heurtait. Des chèvres bêlantes accueillaient son passage d'un bondissement rageur. Il frappa à lui d'une porte faite de planches mal réunies. Un indigène m'ouvrit. Quittant son voile, le fugitif se fit reconnaître et là, il s'étendit sur une natte à côté des hommes de sa race. Chaque nuit, Alouane quittait l'asile sûr où il avait usé les heures de la journée dans une rêverie sans fin et, déguisé en femme, rejoignait Chiffa dans sa chambre à l'heure où le couvre-feu sonnait. Le danger donnait à leurs étreintes un goût nouveau. Comme lui, le brigadier Séguin appréciait Chiffa. Il ne se passait guère de soirée où il n'alla la retrouver. Ce soir-là, il quittait la courtisane lorsqu'une des vieilles matrones qui exerce dans Nesla mille métiers louches l'arrêta. « Tu pars déjà ?» questionna-t-elle, d'un air où l'obséquiosité le disputait à la moquerie. « J'ai terminé ce que j'avais à faire, » répondit-il guilleré. « Crois-tu ? Penses-tu me retenir avec tes charmes ?» Elle ferma à demi les yeux et, équivoque, insinua « Moi, non, mais d'autres choses peut-être. »« Lesquelles ? Parle, tiendrais-tu en réserve une agnelle toute neuve ?»« Il n'en est pas question. Alors ? Alors reste, c'est un conseil que je te donne. Mais fais en sorte qu'on ne te voie pas et tu auras une surprise, une belle surprise. Tu ne regretteras pas d'avoir attendu. » À tout hasard, il lui lança une pièce. « Si tu n'as pas menti, tu en auras d'autres. » Elle disparut avec un ricanement. Indécis, sans savoir exactement à quel mobile il obéissait, Séguin se dissimula dans l'encoignure du couloir, sous l'escalier. Ses souvenirs récents occupaient agréablement son esprit qui s'attardait à évoquer Chiffa. Des cris arrivaient, par bouffées, dominant le vacarme qui montait des ruelles. Dans un trou de silence, le bruit d'un pas ferme retentit, suivi du claquement de porte refermée. Le guetteur retint son souffle, puis ouvrit les yeux. Une femme se glissa dans le couloir. Sans doute revenait-elle de la ville où elle avait dansé pour des touristes. La porte de Chiffa s'entr'ouvrit avant que l'arrivante l'eût heurtée. La danseuse apparut dans une longue robe de nuit brodée d'or, un mouchoir aux couleurs vives retenant ses lourds cheveux noirs. Là de sa morne faction, amusé par l'idée d'une farce, Séguin surgit soudain entre les deux femmes. Chiffa eut un sursaut et mit instinctivement la main devant sa bouche pour étouffer un cri apeuré. « Sauve-toi » chuchota-t-elle. Séguin comprit que la vieille n'avait pas menti. Une atmosphère de mystère enveloppait cette visite nocturne. D'un geste précis et brutal, le brigadier ceintura la nouvelle venue. Il sentit une brusque révolte pour se dégager de son emprise et, soudain, le haïk blanc lui resta dans la main, comme trophée, tandis que l'homme, ainsi démasqué, s'enfuyait dans l'escalier, grimpait jusqu'à la terrasse, poursuivi par le spahi, sautait le haut mur. Hésitant devant l'obstacle, Séguin fit volte-face, redescendant en hâte pour attraper le fugitif dans la rue. Chiffa était restée figée dans la même pose et attendait, anxieuse. « C'est Alouane Ben Ramadi ?» interrogea le brigadier en passant devant elle. Elle ne répondit pas. Ses yeux exorbités trahissaient son angoisse. Il fut alors certain que c'était bien le meurtrier recherché. Dès qu'il fut hors de la maison, Séguin siffla. Les policiers indigènes de garde se rabattirent vers lui et, aussitôt, se prirent à fouiller les couloirs, les ruelles, interrogeant les femmes qui, attirées par le brouhaha, accouraient. Mais malgré la célérité avec laquelle les recherches avaient été entreprises et l'adresse avec lesquelles elles avaient été conduites, Allouane demeura introuvable. « Rien, mon capitaine, impossible de remettre la main sur lui. Pourtant, il ne pouvait pas être allé bien loin. Aussitôt, j'ai bondi jusqu'ici, espérant que vous veilleriez assez tard pour que je puisse vous faire immédiatement mon rapport. Et ce fugitif, c'est... » Un mauguasnier entra, coupant la phrase du capitaine Lepage. Un indigène le suivait. Avant même que l'officier l'eût interrogé sur le motif de son intrusion, celui-ci commença de se plaindre. « On m'a volé un chameau, mon plus beau méhari. Campés autour du feu, nous nous étions endormis. Le bruit nous éveilla, mais l'homme et la bête s'enfuyaient déjà. Dans quelle direction ? Sud-est, mon capitaine. Nous ferons le nécessaire pour te rendre ton bien. » Se tournant vers le brigadier Séguin, il ordonna « Cet homme connaît le pays. Prenez-le avec vous, il vous guidera. Ramenez-lui son chameau et à moi le voleur. À n'en pas douter, c'est Allouane Ben Ramadi. Allez, Séguin !» Le volé, à qui incombait la tâche de diriger le petit détachement, n'eut pas de peine à découvrir les traces de sa bête sur le sable. Il marchait en tête, tantôt à cheval, tantôt à pied, tenant sa monture par la bride, le regard rivé au sol. Derrière lui, Séguin, attentif, suivi de ses hommes. Un chameau, chargé d'orge, formait l'arrière-garde. Ils allaient en silence. Le vent nocturne gonflait les burnouses rouges. Les étoiles, cloutant le ciel, répandaient une lueur pâle qui permettait presque de distinguer les pistes suivies. De longues heures s'écoulèrent, dont rien ne coupa la monotonie. « Les traces sont de plus en plus fraîches, » renseigna le mauguasnier. « Nous gagnons sur le fugitif. Il n'a guère plus d'une heure d'avance sur nous maintenant. »« Alors, il est à nous, » conclut Séguin. Après un court repos, ils repartirent, toutes leurs forces bandées, animées de la fièvre qui précède les victoires définitives. Soudain, sautant à bas de sa monture, le guide stoppa. Des piétinements humains témoignaient que le fugitif avait fait halte aussi et qu'il avait cherché à savoir s'il était poursuivi. Rassuré, il s'était étendu sur le sable. Les marques qu'il avait laissées étaient aussi révélatrices, aussi parlantes que si elles eussent été sanglantes. « Allons, les gars !» encouragea Séguin. La poursuite devenait de plus en plus difficile. Le désert opposait ses dunes, telles les vagues d'un océan, à la marche du détachement. C'était l'interminable pente qu'il fallait gravir, en peinant pour atteindre la crête, redescendre pour attaquer, à sa base, une nouvelle dune. Deux coups de feu saluèrent l'apparition de la patrouille au sommet d'une butte. « Cela complique l'affaire, » constata placidement Séguin. Il a eu le temps de s'armer. Au bas de la pente, le meurtrier se découpait, minuscule silhouette sur l'horizon nu. D'un saut, il avait quitté sa monture, sans même la baraquer. Et il fuyait à pied, dévalant de toutes ses forces décuplées. Il détalait, tel un gibier traqué, fonçant droit devant lui, sans penser, sans même une ruse pour tenter, combien vainement, de dépister l'adversaire. Il était pris, il le savait. L'orgueil lui restait de ne pas se rendre, de reculer le plus possible, sa défaite. La clameur de joie qui avait salué l'apparition du fugitif ne s'était pas éteinte qu'un ordre bref disloqua la patrouille. Trois hommes sur la droite, trois sur la gauche, tentaient, d'un mouvement tournant bien concerté, de couper la retraite aux fuyards qui allaient de dune en dune, profitant des accidents du terrain, se retournant parfois pour tirer sans qu'il lui fût même répondu. La manœuvre prescrite par Séguin se développait normalement. Ayant devancé le meurtrier, les patrouilleurs mettaient pied à terre pour encercler leur gibier. Il n'était plus qu'à 50 mètres de lui. Il répondait coup sur coup. Mais ils ne se hâtaient pas de l'abattre de leur feu convergent, préférant l'avoir vivant. Ce ne sont pas les morts qu'on juge. « Jette ton fusil et rends-toi » hurla Séguin. Le fugitif fit un bond qui l'amena à l'abri de quelques malingres arbustes végétant sur la pente d'une dune. Alouane disparut derrière ce rempart. Il semblait faire corps avec le désert. Les hommes de Séguin avançaient lentement, insensiblement, mais d'un mouvement continu, inexorable. L'arabe, dans l'intervalle de deux balles qui manquaient toujours leur but, creusait fébrilement le sable, s'enfouissant davantage dans le trou qu'il préparait, d'où seule sa tête émergeait par instants. « Laissez-le épuiser ses munitions !» ordonna le brigadier qui avait peine à maîtriser l'impatience de ses hommes. Un spahi, tout jeune, stimulé par la fièvre du combat, se précipita vers le repère du fugitif et, s'approchant des arbustes, déchargea son fusil au moment où la chèche d'Alouane apparaissait. Aucune riposte à cette témérité. Était-ce une feinte? Le fugitif était-il blessé? Un frémissement de victoire attisa les délires des combattants. Un silence insupportable régnait, trop lourd, trop pesant. Le sable était frais comme un corps de femme sous les soldats étendus. « En avant !» décida Séguin, donnant lui-même l'exemple en s'élançant. Enhardis par le calme qui accueillait leur assaut, les spahis se précipitèrent. Alouane était étendu dans le creux qu'il s'était ménagé. Les balles avaient traversé le cou, détachant presque la tête du tronc. Il n'y eut pas beaucoup à faire pour l'en séparer tout à fait. Le corps d'Alouane fut enterré là, à l'endroit même où il était mort. Un des spahis prit la tête décapitée, qui avait roulé à quelques pas, pendant qu'on achevait de creuser la fosse. Il fallait la ramener au chef de poste pour lui prouver que l'homme avait été abattu. Il s'empara également du fusil. 6 cartouches restaient, une cinquantaine avaient été tirées sans atteindre personne. Alouane avait voulu éloigner ses poursuivants et non les tuer. Après une heure de repos, le détachement repartit. Le guide, qui avait récupéré son chameau, reprit sa place en éclaireur. Au crépuscule, la patrouille, harassée, atteignit Bir Bourdjema, où les hommes organisèrent leur campement. Le lendemain, vers 11 heures, ils parvinrent sur la grande place de Tougour, où la nouvelle de la capture d'Alouane les avait précédés, attirant une foule énorme qui stationnait en les attendant. Au-delà, la ville étendait le labyrinthe de ses murs, dominé par la mosquée. Chiffa se tenait au premier rang des curieux, toute droite dans sa robe de gala. Le capitaine Lepage parut. Séguin mit pied à terre, prenant des mains du soldat qui le suivait l'enveloppe de toile contenant la tête d'Alouane. Un geste maladroit du brigadier manqua de laisser échapper le sac. Il le rattrapa avant qu'il ne touchait le sol. Le sinistre paquet se défit. Une boule sanglante roula jusqu'au pied de Louednaïl. Elle n'eut pas un geste, pas un mouvement de recul ou d'horreur, comme si, entre cette tête mutilée, souillée, effrayante, aux yeux largement ouverts, et son amant, aucun lien n'avait jamais existé.